Février 1680, une femme est brûlée vive sur la place de Grève. C'est la fameuse empoisonneuse, surnommée Lavoisin, qu'on exécute. « Allez tous vous faire foutre !» hurle-t-elle en s'agitant comme une possédée. Découvrez la véritable histoire de l'empoisonneuse du Roi Soleil, racontée avec truculence et verdeur par Isabelle Duquesnoy. Un monde terrifiant, mais bien réel, où se mêlent vie à la cour, exorcisme, meurtre d'enfants et sacrifices. La Chambre des Diablesses, le nouveau roman historique d'Isabelle Duquesnoy, aux éditions Robert Laffont. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Des halles au restaurant, l'histoire au menu dans son édition de l'année 1867, l'almanach de l'étranger à Paris donne des conseils avisés aux voyageurs qui se rendent dans la capitale au moment de l'exposition universelle. Ce guide souhaite libérer le visiteur de tous les embarras inhérents à l'effervescence du grande ville, avec les adresses des ambassades, mais aussi celles des vétérinaires, avec les lieux où danser et les musées à visiter, et bien sûr les restaurants. Paris est de toutes les villes du monde celle où l'on dîne le plus au restaurant. C'est là où l'on peut faire la meilleure chère quand on ne regarde pas à la dépense. C'est aussi la capitale où l'on peut le mieux se nourrir à des prix très modérés, dit ce guide qui précise pour les gourmets qui ont de grandes bourses. Paris offre les ressources les plus exceptionnelles. Nous voici au restaurant. Allez, demandons le menu. Tout Paris va bientôt s'amuser d'un mot nouveau. Le mot « restaurant », qui fut d'abord celui d'une soupe. On prenait un restaurant avant d'aller à Belleville au restaurant. Le plus grand, le plus célèbre, avant et pendant la Révolution, fut celui de Ramponneau à la Courtille. En 1973, l'ORTF s'intéresse à la faim à Paris et aux origines du restaurant. Bonjour David Michon. Bonjour. Le restaurant, mais oui, c'est un plat qui restaure, c'est un restaurant, mais le restaurant en tant que lieu, à partir de quel moment apparaît-il ? Oui, effectivement, c'est un plat qui restaure essentiellement à la fin du XVIIIe siècle. Et donc, à la fin du XVIIIe siècle, on a les premiers restaurants officiellement. Notamment, pourquoi ? Parce qu'on a des familles nobles à cause de la Révolution qui se séparent d'une partie de son personnel. Et donc, certains s'installent à Paris de plus en plus. Au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle, on a comme ça plusieurs restaurants à Paris situés vers le Palais Royal qui permettent de se nourrir hors de chez soi. Vous voulez dire que les cuisiniers des familles aristocrates, qui n'ont plus de travail, se décident à ouvrir des petits lieux, parce qu'il existait avant des auberges, des tavernes, mais là ça prend un sens particulier. Quelle est la différence en fait entre une auberge et un restaurant ? La différence, c'est un peu, et c'est similaire on va dire à la mode d'aujourd'hui, de la personnalisation, là c'est la table individuelle. L'auberge était plus collective, on a moins de choix ou tout simplement pas le choix, tandis que le restaurant, il se codifie en permettant cette expérience-là individuelle. On a une place précise, on choisit aussi, grâce au fur et à mesure à des menus aussi qui sont proposés. On paye un prix, alors qui fluctue mais qui sera de plus en plus fixe aussi, donc c'est ça la grande différence. Le restaurant sacre l'individu. Ouais, parce que dans ce restaurant, vous avez le choix. Ça change absolument tout, en fait. C'est plus comme une taverne où on s'assoit et puis on nous dit, y a ça à manger aujourd'hui. Bon, très bien. On fait que ça. Vous avez choisi pour l'étude de 24 heures de la vie d'un restaurant publiée aux Presses universitaires de France l'année 1867. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est l'exposition universelle à Paris, la deuxième à Paris. Et c'est une année fastueuse, puisque de toute façon, sur plusieurs mois, l'accueil des étrangers et l'aristocratie étrangère fait de Paris plus que jamais le centre au moins de l'Europe. Donc les restaurants vont aussi en profiter. C'est l'occasion d'en parler peut-être plus facilement, parce qu'on a aussi beaucoup plus de sources, puisqu'on a une littérature gastronomique qui se développe énormément. Et en cette année-là, bien sûr, c'est l'occasion de parler de mets qui viennent de France, des régions, mais aussi peut-être d'ailleurs. Oui, parce que l'idée du transport, toujours au cœur de ces réflexions sur l'approvisionnement des villes, c'est pas la même vie d'un restaurant en 1867 ou si on se place 50 ans auparavant, parce qu'entre les deux, il y a quand même une révolution ferroviaire. Bien sûr. Bien sûr, ça change en partie. Alors, il y a une révolution ferroviaire, mais comme toute révolution, du moins celle-ci, c'est assez progressif. Mais c'est sûr que dans les années 1840, et notamment, à l'année 1847, où on a très clairement la liaison Paris-Rouen, Le Havre, par exemple, ça permet d'avoir des produits, notamment, évidemment, on s'en doute, maritimes, qui arrivent beaucoup plus facilement. On peut manger des produits frais, on va dire, plus facilement aussi. Donc, le chemin de fer est très important par rapport à ça, mais il ne faut pas oublier aussi les nombreuses charrettes du bassin parisien et les régions de France, à l'intérieur même du pays. Les routes sont encore majoritairement empruntées, bien sûr, mais on n'oublie pas que le chemin de fer va se développer et l'arrivée des nouvelles gares aussi à Paris vont contribuer, ces gares, à approvisionner ce ventre de Paris. Faire de l'histoire, c'est aussi faire un peu de géographie. On le sait, ça tombe bien, dans le cours de l'histoire, nous avons une géographe aujourd'hui avec nous, Claire Delfosse, bonjour. Bonjour. Pour l'approvisionnement, bien sûr, nous pensons tout de suite, et ça fait rêver, à ces produits qui traversent le pays, parce que ça fait loin, ça va vite, c'est formidable. L'approvisionnement est local aussi, hein. Pour ces villes, on parle de Paris, mais ça vaut aussi pour toutes les villes de France. C'est quoi? C'est une banlieue maraîchère, c'est ça? Alors, avec la croissance des villes et l'augmentation des besoins alimentaires, et la diversification aussi et l'amélioration de l'alimentation des citadins tout au long du 19e siècle, moi je traite plutôt la fin du 19e, apparaissent ce que des géographes qui, pour les premiers, étudieront les villes à partir de 1910 et notamment dans l'entre-deux-guerres, appellent les banlieues alimentaires. Donc ils commencent à étudier la croissance des villes, parlent de banlieues et regardent comment il y a des genres de vie, ce qui, les géographes de l'époque s'intéressent aux genres de vie spécifiques qui se développent dans les banlieues pour approvisionner aussi les villes. Donc ce sont ces banlieues alimentaires, eh bien, produisent les produits frais nécessaires à l'approvisionnement des villes, parce que même si les transports s'améliorent, même si assez vite on va avoir un peu des transports frigorifiques, il y a certains produits qui voyagent difficilement. Donc les légumes, et on connaît bien sûr les banlieues maraîchères qui se développent autour de toutes les villes, et puis les fruits. Bien sûr. Alors, assez vite, pour les fruits, on va avoir une extension, notamment dans la vallée du Rhône, des spécialisations, par exemple, pour Lyon, qui va être un centre de redistribution aussi vers Paris. Mais aussi et surtout pour le lait, qui est un produit très fragile et dont la consommation se développe à partir de la fin du 19e siècle, dernier tiers du 19e siècle en particulier, et début 20e siècle. Ben oui, il n'y a pas si longtemps que ça, les fermes étaient encore dans les villes. Hein. Alors, les fermes étaient dans les villes et des fermes, assez souvent, on imagine des maraîchers spécialisés, mais pour produire des légumes, il faut enrichir aussi le sol. Donc il y a bien entendu tout un système de gestion étudié par Sabine Barle et ses élèves, par exemple, sur autour de Paris, comment on réutilise les déchets humains, bien entendu, pour nourrir les sols. Mais il y a aussi des élevages. Donc par exemple, autour de Lyon, on parle plutôt d'association entre une production maraîchère et des vaches laitières en particulier. Oui, c'est pour ça qu'on entend des vaches meuglées dans nos villes, parce que rien de tel pour transporter du lait qu'avoir une vache. Voilà. Comme ça, il n'y a plus qu'à la traire et le lait est là, il est tout frais. David Michon, dans cette étude 24 heures de la vie d'un restaurant, c'est bien parce que c'est une posture intellectuelle, hein, ça demande d'imaginer quelque chose. Vous vous êtes placé sur un restaurant qui existait déjà, un restaurant imaginaire. Comment vous avez procédé ? Non, c'est un restaurant imaginaire parce que ça permettait de proposer un lieu hybride, on dirait aujourd'hui haut de gamme, bien sûr, mais un mélange de l'existant, des lieux haut de gamme, pour pas faire une monographie sur un seul établissement. Mais on peut dire que c'est un mélange, voilà, des grands restaurants de l'époque, comme le Café Anglais, par exemple, ou le restaurant Mani, qui était voisin, rue Contrescarpe. Ça permettait surtout de bien montrer ce qu'était un restaurant pour une certaine typologie de personnes, attention, de Parisiens, mais c'était aussi la possibilité c'est de donner des éléments d'organisation, du décorum, jusqu'à, vu qu'on en parle, l'approvisionnement de ce type même de restaurant. Voilà un archétype, un modèle que vous avez imaginé d'un restaurateur en 1867. Ben justement, ce restaurateur, il s'approvisionne dans ce que vient de dire Claire Delfaux, c'est-à-dire ces banlieues maraîchères. J'utilise un mot qui est un peu anachronique, bien sûr, pour 1867. Et puis, pareil, pour les produits laitiers, pour le lait, il s'approvisionne sur du local. Tout à fait, sur du local, puisque on dénombre à peu près très facilement un millier de maraîchers à l'intérieur même de Paris. Alors, les travaux d'Haussmann font que plusieurs vont s'éloigner, bien sûr, pour différents coûts aussi de la vie, cherter des terrains, des loyers, mais le bassin parisien produit, et puis de toute façon, tout ce qui est proposé aux Halles, c'est quand même beaucoup plus simple de parcourir une centaine de kilomètres, et on a là des produits frais, plutôt que des plusieurs centaines là de kilomètres, et ça devient plus compliqué, donc à Paris, pour par exemple aussi du miel. Bien sûr, on peut à l'intérieur même de Paris, on peut penser que les fèves de cacao arrivent de très loin du Venezuela, certes, mais elles sont travaillées et prêtes à la consommation dans des établissements qui sont à Paris même. On pourrait aussi parler des vins, des alcools, des absinthes, etc., où on a des distilleries dans Paris. Donc il y a une consommation quand même, on va dire, locale. Oui, locale, parce que c'est pratique pour conserver le frais, puis aussi ça réduit les coûts, hein. Faut mettre ça en compte. C'est moins cher que de faire traverser par les produits l'ensemble du pays avec un lieu magique. Vu qu'il est question de restaurants, il est question de nourriture et donc de ventre, eh bien parlons du ventre de Paris. C'était une mer. Elle s'étendait de la pointe Saint-Eustache à la rue des Halles, entre les deux groupes de pavillons. Et au debout, dans les deux carrefours, le flot grandissait encore, les légumes submergeaient les pavés. Les salades, les laitues, les scaroles, les chicorées, ouvertes et grasses encore de terreau, montraient leurs cœurs éclatants. Les paquets d'épinards, les paquets d'oseilles, les bouquets d'artichauts, les entassements de haricots et de pois, les empilements de romaine, liés d'un brin de paille, chantaient toute la gamme du vert, de la laque verte d'Écosse au gros vert des feuilles. Gamme soutenue qui allait en se mourant jusqu'aux panachures des pieds de céleri et des bottes de poireaux. Mais les notes aiguës, ce qui chantait plus haut, c'était toujours les taches vives des carottes, les taches pures des navets, semés en quantité prodigieuse le long du marché, l'éclairant du bariolage de leurs deux couleurs. Le ventre de Paris, d'Émile Zola en 1873, une lecture de François Castan. Bah oui, là, nous sommes au cœur de ce que nous avons comme imaginaire autour de ce 19e siècle, les Halles de Paris. Claire Delfaux, changement d'échelle, donc après avoir regardé ce territoire que l'on traverse, là, il y a ce lieu essentiel, ce cœur de Paris. C'est quoi ces Halles ? Alors, les Halles de Paris, c'est ce qui permet d'approvisionner la ville. Tout arrive à Paris. Alors, soit directement, et notamment pour tout ce qui est des produits frais, comme les légumes, hein, puisque une bonne partie de ces légumes viennent, comme on l'a dit, de Paris, et on va distinguer les petits, ce qu'on appelle parfois les jardiniers, et puis ceux qui viennent un petit peu plus loin, qui ont des exploitations un petit peu plus grandes. Et puis, bien entendu, tout ce qui vient de toute la France, voire de l'étranger à Paris. Et je peux vous donner un exemple d'un produit qui arrive, puisque moi j'ai particulièrement travaillé sur les fromages, par exemple. Et on voit, enfin, ce qui est intéressant aussi en regardant les Halles de Paris, et ce qui se vend, c'est l'évolution et l'extension de l'aire d'approvisionnement de Paris pour un produit comme le fromage, par exemple. Il y a les fromages qui se gardent, ce qu'on appelle les fromages de garde, donc qui vont arriver des Savoies, du Jura. Et puis, pour les fromages, ce qu'on appelle alors les fromages frais, ce qu'on appelle nous maintenant les fromages à pâte molle, eh bien, c'est plus près. Donc, dans un premier temps, le fromage d'excellence à Paris, c'est notamment le Brie de Meaux, qui est produit dans la région de Meaux, de façon assez large. Et on a tout un système donc, qui fait que les agriculteurs, les cultivateurs de la région meldoise apportent leur fromage sur le marché de Meaux le samedi, donc dans des voitures à cheval, qu'on appelle précisément les fromagères, pour montrer combien c'était le produit phare de ces exploitations, même si, bien entendu, elles n'étaient pas spécialisées. Hein. Et ils arrivent sur le marché, vendent les fromages à la douzaine, donc ils s'installent, et il y a tout un système, hein, la ville va réglementer. Les fermières arrivent, il y a ce qu'on appelle des déballeurs qui vont déballer, mettre, aligner ces fromages et récupérer la paille. Parce que les fromages sont emballés dans de la paille et la paille est justement récupérée par les maraîchers de la ville de Meaux pour leur sol. Donc il y a les déballeurs. Ensuite, ces fromages sont alignés en longue file sur le marché et on a une profession qui s'organise, qu'on appelle les cavistes, qui vont acheter les fromages frais, entre guillemets, donc pas encore affinés, et qui vont les affiner, donc les transporter par chemin de fer assez vite dans la banlieue parisienne, autour, vers Aubervilliers, etc. Ils ont des caves, et puis après, eux vont aller les vendre aux Halles ou directement, sûrement, à des restaurateurs, puisque ce fromage est un fromage qui est consommé aussi bien par les riches que par les pauvres. Ça dépend du degré d'écrémage, bien entendu. Le fromage peu écrémé, le fromage pour les riches, et le fromage écrémé, et le fromage pour les pauvres. David Michon, votre restaurateur, alors se fait-il livrer directement ses fromages ou bien va-t-il au hall chercher ses fromages? S'il cherche du fromage d'ailleurs. Peut-être qu'il boude un peu ses fromages. Pourquoi ? Parce que, alors déjà, c'est pas évident, c'est que les fromages souvent sont pas indiqués sur les menus. Donc on travaille à partir de sources, donc ils sont pas indiqués. Est-ce que pour autant ils ne sont pas consommés ? Non, bien sûr. Mais disons que on a aussi quelques témoignages qui indiquent que vu que les fromages ne sont pas directement transformés par le cuisinier, c'est assez rare, même si par le biais de sauces ou de recettes un petit peu, on va dire, exotiques, on peut avoir un peu de fromage dedans. La plupart du temps, non. Donc, on en a dans les restaurants, on en propose potentiellement, mais on ne va pas l'imposer, on ne va pas l'indiquer. Mais pour autant, bien évidemment, il y a une formidable, justement, description d'une quantité de fromage par Zola dans le ventre de Paris, où Claire a cité le Brie, bien connu depuis déjà plusieurs siècles, fameux, le camembert, de plus en plus aussi. Il est arrivé après. Tout à fait, qui va arriver après. Oui, il y en a probablement chez Gustave, mais on ne sait pas vraiment lesquels. Bah, dans la légende construite autour de ce fromage phare de notre patrimoine, le camembert, Claire Delfaux, c'est ce moment-là d'ailleurs où le camembert devient un fromage populaire, mais c'est bien compliqué à transporter un camembert, on l'a tous vécu. Si on lui enlève sa petite boîte, il coule. Alors, justement, le camembert va finir par détrôner, entre guillemets, hein, quand même, parce que le Brie de Meaux reste le fromage par excellence consommé à Paris, va détrôner le Brie, parce que le Brie lui-même coule. Il y a des descriptions encore dans les années 30 du Brie. Kurnansky, par exemple, fait une petite caricature où on voit la femme qui court derrière le Brie parce qu'il coule. Kurnansky, le roi des gastronomes. Voilà. Et en fait, le camembert va arriver à Paris déjà par le développement des chemins de fer assez vite, donc du pays d'Auge, va pouvoir arriver plus vite grâce aux chemins de fer. On va avoir, pour transporter les fromages, on les met dans des paniers, après dans des wagons spécialement aérés, pour qu'ils ne... On les fait voyager de nuit, par exemple. Et il va plus facilement... Enfin, il va détrôner le Brie, parce que le Brie, c'est un grand fromage qu'on mange, enfin, qu'on achète en le coupant. Alors que le camembert, c'est le fromage de la modernité par excellence. Il va arriver en boîte et on va acheter un camembert. On ne va pas acheter une part de camembert. Et du coup, il est plus facile à acheter. Et c'est aussi ça qui a fait le succès du camembert par rapport au brie, hein, qui, encore une fois, n'est pas détrôné. Mais cette évolution, elle est aussi liée à l'évolution des structures de fabrication. C'est-à-dire qu'à partir de 1860, arrive ce qu'on appelle les fromageries. C'est-à-dire qu'on commence à collecter le lait de plusieurs exploitations et qui est transformé par un spécialiste. C'est les premières industries agroalimentaires, industrie étant un bien grand mot. Et le camembert est tout de suite ce fromage industriel, organisé. Alors que le brie, on va avoir aussi un brie industriel qui va continuer à nourrir les ouvriers, mais plutôt dans la Meuse et la Marne, détrônant la fabrication fermière de la région meldoise. Claire Delfrousse, vous êtes professeure de géographie à l'Université Lyon 2 et spécialiste du fromage. Vous êtes l'autrice de La France fromagère, le métier de crémier fromager de 1850 à nos jours. Alors, hommage au fromage. Coulommiers, Époisses, Bleu d'Auvergne, Beaufort, Livaro, Reblochon, Abondance, Mont d'Or, Crottin de Chavignol, Chabichou du Poitou, Pyrénées de Brebis, Vacherin du Haut-Doubs, Camembert, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Sous-Maintrain, Roux de Brie, Tête de Moine, Mimolette, Boursin, avec 60% de matière grasse. Le formidable François Morel qui chante les fromages dans Le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Sam Bakias avec aujourd'hui à la technique Jean-Frédéric. Aujourd'hui, nous nous rendons au restaurant au 19e siècle avec ce lieu admirable en écho au restaurant que sont les Halles. David Michon, votre restaurateur, donc peut se rendre aux Halles où il va trouver tout. C'est-à-dire que c'est un résumé de la France, ces Halles. Oui. C'est un résumé de la France et puis lui est pragmatique et c'est quand même très pratique. Très pratique parce qu'il peut s'inspirer aussi, probablement. C'est là où il va puiser son inspiration. Il est de plus en plus lecteur des grands traités qui existent déjà depuis le siècle dernier et qui sont en fort développement au 19e siècle. Mais il va aussi directement voir des produits. C'est à lui, après, et avec son savoir-faire, lui, tous ses assistants et tout ce qu'on va appeler après, évidemment, sa brigade. Mais il va voir le produit brut. Et c'est en ça que c'est intéressant. C'est parce qu'en un lieu assez restreint, quand même, 10 pavillons en 1874, il va pouvoir à peu près tout trouver et il n'a plus forcément à aller sur les différents marchés parisiens qui sont dans toute la capitale ou alors devoir avoir les différents maraîchers, producteurs qui viennent directement à sa porte. Donc c'est quelque chose avant tout de très pratique et il navigue de pavillon en pavillon. Voilà le pavillon de la viande en plus, puisque c'est vraiment à chaque fois, on va dire, le pavillon a une fonction. Et donc les 10, c'est comme ça, du poisson, le pavillon 8 avec les œufs et la volaille, ou le pavillon 12 avec les fromages. Et c'est par là qu'il construit petit à petit aussi son menu du jour, et qui fait évoluer sa carte. Ah oui, il peut comparer directement, en fait. Quand il est dans le pavillon de la viande, bah, il a tous les bouchers, donc il peut choisir la plus belle pièce. Puis il peut comparer les prix aussi. Absolument. Et là, on peut faire une comparaison avec aujourd'hui. Vous avez probablement votre producteur préféré, mais il y a aussi des nouveautés. Et ça, lui, il n'est pas forcément au fait de ce qui se fait, des nouveaux produits français et ailleurs aussi, bien sûr, étrangers. Donc, il va découvrir, il va apprécier au gré des saisons ces différents produits-là. Et puis, l'évolution des prix, bien sûr, il y est sensible, puisque lui ou ses commis qu'il peut évidemment envoyer, il ne va pas forcément aller au hall tous les matins, sont sensibles à ça. Il y a une vraie économie avec cette nouvelle concurrence, puisque les restaurants sont de plus en plus nombreux. Donc ça compte aussi. Eh oui, c'est ça, la concurrence des restaurants. Alors, j'imagine très bien qu'il n'est pas tout seul hein, quand il va faire ses courses. Donc il les fait tous les jours, j'imagine, pour avoir du frais. Et il retourne dans son restaurant. On a déjà cette construction que nous connaissons aujourd'hui. Vous avez cité, David Michon, ce mot de brigade avec le chef, une hiérarchie en fait dans le restaurant. Elle existe, bien sûr. Elle sera largement mise en pratique par Escoffier après, notamment avec ce mot de brigade. Mais bien sûr, puisque tout autour de lui, certaines personnes sont en charge d'un aspect, d'un moment du menu, d'un plus de l'approvisionnement, du garde-manger, des légumiers aussi, j'ai pas besoin de détailler ce que c'est, des personnes qui s'occupent des préparations froides, un pâtissier qui s'occupe de préparations salées, chaudes, mais de plus en plus aussi qui va s'ouvrir à d'autres compétences. Donc bien sûr, il est pas tout seul, loin de là, il cuisine encore. On commence à avoir des chefs un peu stars, mais il est encore dans son restaurant, même si de plus en plus il va se montrer aussi. Et puis on va avoir presque, pour l'analogie footballistique, un mercato aussi des chefs, puisque certains chefs très célèbres vont aller d'un restaurant à l'autre, vont retourner aussi parfois au service de cour impériale, et ça va contribuer à leur renommée. Et on peut se déplacer au restaurant pour un chef et moins pour le nom ou la réputation du restaurant en tant que tel. Ça, c'est assez nouveau. Dans cette histoire des restaurants, il y a toujours la géographie qui nous intéresse. À Paris, il y a une géographie particulière des restaurants. Oui, il y a une géographie particulière. Due à l'histoire, le Palais Royal était quand même le centre des premiers restaurants. Et petit à petit, avec les grands travaux d'Haussmann, on a une migration vers d'autres zones, l'ouest, le nord. Et de toute façon, quantitativement, les restaurants sont de plus en plus nombreux, donc gagnent toute la capitale, mais suivent aussi les clients potentiels, la bourgeoisie, l'aristocratie. Donc ça c'est important aussi, ça se développe tout en se maintenant évidemment à l'intérieur même. Voilà, on est dans les arrondissements parisiens, on va pas forcément au-delà des barrières de l'octroi, même si c'est possible parce que là les prix chutent, mais la qualité même des restaurants, du moins les sources qu'on en a, chutent aussi en même temps. Et puis à la géographe Claire Delfosse, que vous êtes, s'est dit changer d'échelle. Alors si nous changeons d'échelle, ces restaurants-là, on va les retrouver partout en France, dans toutes les villes de France. On a le même phénomène. Vous enseignez à Lyon. À Lyon, évidemment, on a ça. Alors, je n'ai pas particulièrement étudié les restaurants à Lyon, mais après, dans cette région, on voit surtout arriver ce qu'on appelle les mères, aussi les mères lyonnaises, qui vont ensuite avoir des fils très célèbres et être surtout valorisées au moment de la création de la National 7, par exemple. Donc, on va trouver Bocuse, on va trouver Georges Blanc, un peu à l'extérieur, et un certain nombre de grands noms qu'on retrouve aujourd'hui qui sont valorisés dans ce qu'on appelle les Halles Bocuse, qui sont des halles modernes, hein, reconstruites à Pardieu, au quartier de Pardieu, mais qui a modernisé des halles qui existaient auparavant, où justement on retrouvait des marchands auprès desquels venaient s'approvisionner les restaurateurs lyonnais. Bon. Par exemple, moi, j'ai un peu travaillé l'histoire des crémiers fromagers. Un certain nombre d'entre eux expliquent qu'ils jouaient ce rôle un peu de semi-grossiste, revendant aussi aux restaurateurs qui venaient s'approvisionner chez eux en produits frais. Et puis, dans d'autres... toujours en travaillant sur la profession de crémier fromager, j'ai pu voir que certains, par exemple, à Aix-les-Bains, donc on n'est plus dans le même système, mais on est dans une ville d'eau avec des grands hôtels, et la grand-mère d'un des crémiers que j'ai pu fromager, très célèbre à Chambéry, qui s'appelait Provent, sa grand-mère était agricultrice, avait en même temps ouvert une crèmerie à Aix-les-Bains, et fournissait les grands hôtels en beurre et en lait pour le petit déjeuner et un plateau de fromage pour les repas. Alors, il précisait bien 5-6 types de fromage, hein, pas plus. On n'est pas dans la diversité qu'on peut connaître aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que elle crée son commerce de bouche, donc avec les restaurateurs, on peut dire qu'émerge aussi dans cette fin du 19e le commerce de bouche, en tout cas le métier de crémier fromager, clairement. Et elle avait encore une ferme à côté où elle faisait des cultures maraîchères et expliquait que justement l'été, au moment où on consomme moins de fromage, elle vendait des cerises. Oui, parce que c'est une histoire sociale aussi. On voit bien des stratégies qui se mettent en place. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, nous sommes au restaurant. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Vis dans les futailles, à nous la répaille. Quand l'appétit va, tout va. France Culture. Quand l'appétit va, tout va. Le cours de l'histoire. Vive les quenottes. Xavier Mauduit. Quand l'appétit va, tout va. Astérix et Cléopâtre, en l'occurrence ici, en 1968, quand l'appétit va, tout va. Ben oui, parce que ça y est, notre cuisinier a tout ce qu'il faut. Il a ses produits qu'il a récupérés au hall et il les a achetés. Ou alors, il s'est fait livrer, parce que c'est très important aussi, hein, ce commerce-là. Et maintenant, il faut tout préparer. Ce moment de la cuisine est intense, intéressant, mais il faut proposer quelque chose. Que propose-t-il ? Combien de plats, David Michon ? Alors, on n'est pas sur le minimalisme d'aujourd'hui, qui rassure sur la fraîcheur des produits. C'est plutôt l'inverse. On a des cartes menus, des cartes vraiment qui sont fleuves, avec énormément de propositions, puisque c'est aussi symbole d'une forme de richesse. On a le luxe du choix. C'est quand même ça, par aussi opposition à l'auberge. Et le luxe du choix, il se retrouve dans cette quantité-là. Alors, quantité de produits luxueux, le foie gras est déjà un classique absolu, la truffe aussi. Attention, on est toujours sur cette typologie de premier ordre. Bon, aujourd'hui, on dirait de restaurant de haut de gamme, d'accord. Du bœuf, la viande, on va dire, la plus recherchée, même si on a encore du mouton, encore du veau. Mais on a aussi le cochon qui devient plus uniquement quelque chose en entrée, sous forme de jambon, par exemple. Des poissons, on l'a dit tout à l'heure, grâce à la marée et puis aux arrivages, c'est beaucoup plus rapide. Donc ça, c'est quand même très bien. Et puis, tous les produits sucrés qu'on trouve quand même en fin de repas, qu'on appelle le fruit, bientôt le dessert. Donc on a du choix, oui. Eh bien, je vous propose de lire le menu, mais pas n'importe lequel. Le menu servi le 10 juillet 1867 au Café Anglais. Potage. Renaissance brunoise. Hors d'œuvre. Duchesse de volaille à la crème. Boucher à la Toulouse. Relevé. Saumon du Rhin à la hollandaise. Entrée. Filet de bœuf à la Richelieu. Timbale de homard à l'indienne. Jambon de Virginie au xérès. Aspic de caille financière. Sorbet au cliquot. Rô. Caneton de Rouen rôti. Entremets. Asperges en branche. Gnocchi aux truffes. Suprême d'abricot au madère. Crème diplomatique au marasquin. Gâteau ambroisie. Nélusco glacé. Dessert. Sam Bakiast et Jeanne Copet, qui travaillent pour le cours de l'histoire et qui se sont installés au Café Anglais ce 10 juillet 1867. C'est un menu qui est dans votre livre 24 heures de la vie d'un restaurant, David Michon. Alors là, on est sur quelque chose de spécial, on sent que c'est une commande. Oui, tout à fait. On est sur quelque chose de spécial. On est sur quelque chose qui est du domaine aussi du dîner. On a plus le temps de manger le soir, un peu comme aujourd'hui aussi. On accorde surtout plus d'argent. Même si le déjeuner apparaît vraiment à cette époque-là, un déjeuner au restaurant, il est plus court. Le soir, on a le temps d'avoir ces nombreuses propositions, Tout comme Florent Kelly l'a très bien dit hier dans votre émission, on va pas manger de tout. Alors là, c'est pas forcément pour redistribuer. On va goûter, voilà. On va prendre son temps. On va peut-être un peu plus déguster le relevé, le saumon, mais peut-être un peu moins le. On a parlé de boucher à la Toulouse parce que c'est un pâté de foie de canard probablement. On peut l'imaginer aussi. Donc il y a du goût aussi. On est moins sur des codifications, mais dans tous les cas, quand on lit ce menu-là, on voit que c'est quand même quelque chose d'assez luxueux et aussi, comme je le disais, quantitativement, d'assez riche. C'est au café anglais, hein. On n'imagine pas aujourd'hui ce qu'a pu être le café anglais et sa réputation internationale. À partir de quel moment, d'ailleurs, voit-on apparaître des menus ou des cartes ? On est dans cette période, justement, le Second Empire, où les menus sont de plus en plus en vogue. Pourquoi ? Parce que c'est pas encore la démocratisation des restaurants, mais les gens voudraient bien quand même savoir ce qu'ils vont payer. Sur les menus, on a des menus à prix fixe, donc on peut plus se représenter plus facilement la note finale. Tandis que avant, c'était quand même beaucoup plus rare. C'était beaucoup plus rare parce que ça dépendait aussi de la quantité. Et puis, c'était pas un gros mot, mais disons que on se faisait plaisir en sortant. C'était surtout pour des sociabilités, un plaisir social. On se montre encore plus au café anglais avec tous ces cabinets particuliers. Et le prix, ça doit pas être la préoccupation première. Mais avec des restaurants qui gagnent en diversité et donc en public, le menu est quand même apprécié parce qu'on sait ce qu'on va manger, on sait ce qu'on va payer et on peut choisir en fonction de ces éléments-là. Ah oui, c'est-à-dire qu'avant le menu, oui, on allait manger, on savait pas ce qu'on allait payer à la fin. Enfin, c'était assez aléatoire. J'imagine donc que pour toute une partie de la population, populaire, modeste, c'est compliqué d'aller au restaurant, même un petit restaurant, quand on ne connaît pas le prix. C'est bien d'avoir de l'argent, en fait. Un des luxes majeurs, c'est de ne pas se préoccuper s'il y a une mauvaise surprise. On se dit, bon, je peux quand même payer. C'est ça. C'est ça, je peux payer. Et de toute façon, indirectement, en étant présent, je le peux parce que j'ai du temps. C'est aussi une histoire du temps libre, en fait. J'ai du temps pour ce plaisir social. On rentre dans ces éléments où sortir au théâtre, à l'opéra, au restaurant et ou au restaurant, ça fait partie de ces plaisirs et de ces mondanités-là. Et ça, c'est important. Donc, je peux me le payer parce que j'ai du temps à consacrer à ça. Et puis, je peux me le payer parce que sur place, je peux profiter des mets et des vins aussi, déjà extrêmement chers et bien et fameux. Oui, parce qu'il faut payer à la fin. Attention, anecdote, Sacha Guitry. Mon père déjeunait un jour tout seul dans un restaurant en province. Il avait fait un très bon repas. Il demande l'addition, on lui apporte l'addition. Il trouve que le prix en est un peu excessif. Alors il dit au garçon, écoutez, vous allez dire de ma part au patron, je paye naturellement mon addition, mais dites-lui de ma part que c'est excessif, c'est surtout excessif quand on pense que je suis un confrère à lui. Alors ce n'est pas bien. Enfin, il se lève et s'en par-dessus. Pendant ce temps, le garçon est allé faire la commission au patron et le patron s'approche de mon père au moment même où il sortait et lui dit, ah monsieur, le garçon vient de me faire votre observation, vous trouvez l'addition excessive? Oui monsieur, un peu excessive. Ah, mais surtout il m'a dit une phrase, en fait, qui m'a frappé beaucoup, il m'a dit que c'était surtout excessif vis-à-vis d'un confrère. Vous êtes restaurateur? Et mon père lui dit, non, voleur. Et ben voilà, Sacha Guitry qui racontait cette anecdote, on est dans les années 1930, à propos de son père, Lucien Guitry, le grand Lucien Guitry, le comédien. Parce que David Michon, dans ce panorama des restaurants, il y a ces restaurants tels le Café Anglais et tant d'autres extrêmement réputés et donc chers, mais il y a toute la panoplie des restaurants. On peut trouver des restaurants modestes. Oui, on peut trouver des restaurants modestes, tout à fait, ou des restaurants qui choisissent un thème particulier. Ça peut être un thème, voilà, géographique. Avec, on commence à avoir des restaurants, la Provence, la Normandie. Donc, on peut bien imaginer ce qu'on y sert. On peut avoir aussi des restaurants, tout simplement, qui copient un peu le luxe et l'apparat des grands restaurants. Mais finalement qui propose des prix très modestes. C'est l'exemple des bouillons. Le boucher Duval, dans les années 1850, au-delà même d'avoir du bœuf, certains morceaux de bœuf invendus, décide justement d'en faire profiter sous peut-être une autre forme, un peu différemment, sa clientèle, et donc ouvre des grandes... Vraiment, c'est des salles qui sont immenses, mais qui ne souhaitent pas sacrifier... le confort, qui ne souhaite pas sacrifier le principe de la table individuelle, le principe aussi du menu. on sait ce qu'on paye, on mange beaucoup plus modestement, tant en quantité que par rapport au mets proposé, bien sûr, mais très rapidement, en plus avec les bouillons Chartier à la fin du siècle, on a un succès énorme pour des gens plus modestes, des petits patrons, des ouvriers. Mais au fur et à mesure, c'est bien vu de sortir aussi au bouillon et de d'être servi par ces femmes en blanc, de savoir exactement ce qu'on va payer. Et même si c'est un peu critiqué dans les années 50-60, la formule a un succès énorme. Et oui, le bouillon, mais ça c'est quelque chose qui est encore aujourd'hui présent, ça a toujours énormément de succès. Claire Delfaust, à Lyon, ce sont les bouchons, c'est encore aujourd'hui, mais au cœur du patrimoine lyonnais, ces bouchons. Oui, les bouchons lyonnais, c'est la cuisine, c'est le quartier où on va retrouver tous les touristes avec dans le quartier des bouchons, et avec aussi une volonté de se protéger et singulariser, parce qu'il y a bouchons et bouchons. Et les bouchons lyonnais ont désormais un label qui consacre quelques règles sur ce qu'on peut y manger le décor du bouchon lyonnais. Donc, aller dans un bouchon, c'est aussi évidemment profiter de la nourriture, mais ce pas tant se montrer que vivre un moment très particulier. On a été mangé dans un bouchon, c'est quelque chose. Oui. Voilà, ça se distingue. Voilà, ça se distingue et c'est surtout pour, on va dire, la région lyonnaise, c'est toutes les lyonnaiseries avec justement David, tu disais pas trop de charcuterie à Paris, mais là, les bouchons lyonnais, on est vraiment dans la charcuterie, les plats un peu spécifiques et qui font la renommée de Lyon et qui justement valorisent tout ce qui se faisait autour, saucisson lyonnais, pâté croûte, etc., foie de volaille, voilà. Donc, David Michon. La mortadelle lyonnaise est fameuse à Paris d'ailleurs. Voilà. Oui, il y a des échanges sans cesse, mais c'est normal parce que ces identités de produits mettent ces aliments en valeur, les plats en valeur. Dans ces restaurants, David Michon, on le dit bien, il y a tout type de restaurants. C'est un moment de paraître, le restaurant. On sent bien que, bon, pour certains, c'est pour manger et puis retourner faire quelque chose d'autre. Mais bien souvent, le restaurant, c'est plus simplement se nourrir. Non, c'est plus simplement assouvir un besoin primaire. C'est ça qui change. Donc, il est au cœur des sociabilités et c'est rencontrer aussi des amis, revoir des amis, les artistes, les écrivains, les peintres, etc. se réunissent de plus en plus et assez facilement dans ces lieux. C'est le goût du paraître en public tout en ayant un entre-soi. Il y a un paradoxe. Et c'est le succès donc des cabinets particuliers. Donc, on se montre. Mais on apprécie quand même vraiment être ensemble, avoir des conversations qu'on juge parfois d'ailleurs licencieuses. Mais le personnel de salle, on a parlé tout à l'heure de la brigade, la cuisine, le personnel de salle est vraiment très important aussi. Hein. Et parfois, le garçon est vivement critiqué puisque peut-être il tend l'oreille, on écoute des grivoiseries ou quoi que ce soit. Donc oui, c'est se montrer et s'habiller pour, surtout le soir, bien sûr, se montrer les grandes célébrités d'alors, un peu comme aujourd'hui, des acteurs, les politiques, les acteurs de théâtre et tout. Mais il faut le faire, d'une façon quand même en partie un peu intime. Voilà, c'est ça, c'est la table individuelle. Donc on est là, on se monte, mais on est à table. Et puis il y a le monde des affaires en pleine industrialisation. On sent bien que le restaurant aussi, là, devient un nouveau lieu de sociabilité, bien sûr, mais aussi simplement des affaires. Oui, des affaires. On n'est pas encore sur l'expression du déjeuner d'affaires, du midi, mais le moment du midi où on a plus l'assouvissement d'un besoin primaire qui vient rompre la journée de travail, on n'a pas exactement le contenu de ces conversations-là, mais on se doute bien que les affaires se traitent à table. Le soir est réservé peut-être à des débats autres sur des sujets d'actualité d'une presse qui est déjà extrêmement lue. Mais bien sûr que c'est l'occasion de signer des contrats, de conclure des mariages peut-être. Claire Delfaust. Alors, moi, j'irais plus dans le sens de l'auberge, parce que moi, je vais plus du côté de la production que du restaurant. Et on parlait tout à l'heure de ces marchés de gros dans les aires d'approvisionnement qui ensuite, marchés de gros qui vont approvisionner les Halles de Paris, éventuellement, ou d'autres grandes villes comme Lyon. Et par exemple, si je reviens toujours à mon exemple Meldois, le jour du marché, toutes les auberges autour fonctionnent très fortement. On discute, c'est le moment, même si on vend les fromages, c'est aussi là où on va discuter autour de la société d'agriculture, par exemple. Donc je pense que c'est aussi ces lieux importants, moins haut de gamme, mais où se discutent les affaires, où on se retrouve aussi avec ces professions qui s'organisent. Par exemple, je pense même les marchands de fromage à Lyon commencent à créer un syndicat à la fin du 19e. Ben, on se retrouve autour de repas, et voilà. Typiquement. Meldois, qui correspond aux habitants de Meaux, on a appris un mot. Merci beaucoup, Pierre Delfos. David Michon, on peut juste évoquer un peu les horaires de restaurants, parce qu'aujourd'hui, nous savons à quelle heure, globalement, nous mangeons quand nous allons au restaurant. Il y a des marges, bien sûr, qui fluctuent. Comment c'était en 1867 Notamment le midi où c'est un peu nouveau, mais on mange vers 11h30 midi. C'est quelque chose qui est récent, contrairement au soir où le souper perd en importance, mais peut se prendre très tard à la sortie des spectacles, justement, jusque, on dirait aujourd'hui, hein, au bout de la nuit, hein, surtout en fin de semaine, ou en fonction des horaires des spectacles. Et par contre, le dîner est probablement un peu plus tôt, à 18h, 18h30, 19h, un peu plus tôt qu'aujourd'hui. Donc les horaires sont nouveaux pour le midi, mais correspondent à ce qu'on a aujourd'hui. Pour le soir, on a peut-être encore ce duo dîner-souper qui a très largement disparu de nos jours, du moins au restaurant, puisque ça reste quand même quelque chose de pratiqué et d'utilisé, mais plus dans la sphère intime, le soir, le souper, en hiver, notamment en semaine, combien de familles françaises consomment une soupe, voilà. Mais par contre, la soupe était souvent en restaurant, et ça, c'est très rare maintenant. C'est vrai, il n'y a plus tellement de soupe, oui, on savait beaucoup. Ouvrir par un consommé, ouvrir par un potage, c'était absolument classique et très bien vu, avec... Le soupe à l'oignon était déjà un grand classique, mais on avait une kyrielle de possibilités. Aujourd'hui, c'est quand même assez rare. Je pense que la soupe revient quand même avec toute la préoccupation de justement manger frais, local, proche, et la redécouverte ou la resacralisation en quelque sorte des légumes. Et qui va passer aussi par la soupe ou le potage dans les restaurants. Je pense que ça revient quand même. Oui, cette soupe très saine qu'évoque David Michon, parce que c'est un homme pur et sain. Et d'ailleurs, quand il évoque le souper en 1867, il parle de soupe. Il est loin des soupers au champagne avec les huîtres, avec les demi-mondaines, qui ont quand même fait le succès de cette période, la période d'Offenbach. Volontiers je fais longue pause quand on me verse du bon vin. Je prends racine ou l'on m'arrose comme une fleur dans un jardin. Ce que je ne m'explique guère, c'est pourquoi l'on boit à Paris le mauvais vin dans les grands verres et le bon vin dans les petits. Ah, ah, ah, ça commence. Ça commence. Tout doule, doule, doule. Tout danse, danse, danse. Et voilà déjà comme ma tête s'en va. Elle s'en va. Elle s'en va. Et voilà déjà comme ma tête s'en va. La vie parisienne, Jacques Offenbach, en 1866. Dites-nous, David Michon, oui, il y a de cela aussi. Une expression résume le Second Empire, c'est la fête impériale, une expression postérieure, bien sûr, mais qui fonctionne bien pour ce régime. C'est ça aussi, le souper. C'est ces petits cabinets privés que vous évoquiez. Ça véhicule un imaginaire qui est encore présent. Ça véhicule un imaginaire parce qu'en plus, on a des témoignages. On a... des chroniqueurs mondains qui ne vont pas spécialement nous détailler les petits menus, les petits déjeuners d'affaires, mais plutôt les grands repas où personne n'a accès. On ne sait pas exactement quels ont été les invités. Parfois, ça peut arriver. Et à part là, on a des secrets. Et c'est aussi un peu la naissance du Tout Paris et quelques légendes. Qu'est-ce qui se dit? Quelles célébrités sont venues et aussi qu'est-ce qu'ils ont mangé? Et concrètement, l'imaginaire, il est là aussi. C'est un imaginaire d'une cuisine parisienne, mais qui finalement est une cuisine de région. Et on utilise le meilleur de chaque région pour faire voyager aussi les gens avec des huîtres de Cancale, une volaille de Bresse, déjà très fameuse, bien sûr. Claire en parlera peut-être. Des truffes du Périgord. Et puis des aliments aussi largement du Nouveau Monde, puisqu'on finit classiquement et toujours le repas avec soit un thé, un café, des eaux de vie aussi, des eaux de vie qui sont l'absinthe de Pontarlier ou des eaux de vie comme une gentiane du Velay. Donc on voyage par les mets, on voyage aussi par les invités et tout l'imaginaire autour de ces invités qui sont déjà célèbres et connus dans Paris, mais qu'on ne fréquente pas forcément. Oui, nous avons déjà la réputation des volailles de la Bresse. Oui, les premiers concours de Bresse arrivent vers 1860-1870. Les ancêtres de ce qu'on appelle aujourd'hui les Glorieuses de Bresse qui ont lieu la semaine de Noël. Et on a donc ces grands concours qui commencent à s'organiser dans le dernier tiers du 19e siècle et qui permettent de dire, voilà, ça, cet aliment, ce produit, il est digne de porter le nom volaille de Bresse ou, par exemple, beurre d'Isigny, c'en est pas. Donc, ces grands concours. Et ensuite, notamment la volaille de Bresse, eh bien, arrive sur les meilleurs, ceux qui sont primés à Paris, dans les grands restaurants, encore aujourd'hui, et à l'Élysée pour ceux qui ont, le prix. Les meilleures volailles, là, voilà. c'est exceptionnel. Volailles de Bresse qui gagnent les Glorieuses. David Michaud. Et on voit que ces mondanités gagnent même le cœur de la gastronomie, de notre gastronomie. Je pense par exemple au chef très célèbre du Gléré, le chef du café anglais, qui invente les pommes de terre Anna, en l'honneur de qui ? D'une courtisane, Anna des Lions. Donc ça montre bien que la gastronomie, si on la traduit par des plats bien concrets, mais surtout la façon de jouir de la table et d'en parler, là on est vraiment au cœur de cette histoire-là. Ils sont là, hein, les chefs tels que on les connaît aujourd'hui et vraiment sous le Second Empire dans ces années. Alors 1860, vous avez choisi David Michon l'année 1867 parce que c'est l'exposition universelle, mais on pourrait étendre, ont une renommée qui dépasse Paris, qui dépasse la France. C'est une renommée, on vient de loin et les guides disent bien où il faut aller parce que on l'apprend pas n'importe où. Il y a les guides qui permettent de faire venir tous ces clients. C'est ça aussi, on dirait aujourd'hui que c'est une ville touristique, surtout en cette année 1867. Et finalement, en diffusant et en montrant allègrement ce que la France peut produire, on imagine que cet imaginaire-là va dépasser largement les frontières. Et donc on est capable aussi, pour un empereur qui aurait demandé de goûter du foie gras, mais c'est pas forcément la saison, au mois d'octobre, on va aller lui livrer du foie gras, et peut-être qu'on peut imaginer que lui va ensuite, derrière, en parler, et influencer aussi toute sa cour et tout son peuple, presque. Claire Delpos. La renommée gastronomique de Paris, elle se construit aussi avec les Halles, bien entendu, et tous les produits qu'on peut y trouver. Et toujours, par exemple, dans le secteur des fromages, au début du XXe siècle, on explique bien que c'est bien à Paris où il y a un savoir d'affiner les fromages, de les vendre, et que c'est là où on va trouver une gamme étendue, et ce qui fait une vraie originalité aussi de la ville, avec ces commerçants de bouche qui commencent à s'affirmer aussi. Il faut comprendre d'où vient la renommée de la gastronomie, voilà, de la cuisine française, voilà, aujourd'hui encore. Voilà. David Michon, 24 heures de la vie d'un restaurant, Paris 1867, que vous publiez aux Presses universitaires de France. Bon, on l'a entendu, hein, ça commence tôt pour aller chercher les produits aux Halles. Ça se termine à quelle heure? Parce que s'il y a un souper et que les fêtards restent, ça peut durer longtemps. Oui, mais c'est comme aujourd'hui. Certains veillent en cuisine et en salle surtout, mais d'autres vont se coucher beaucoup plus tôt, puisque les Halles de Paris, on est potentiellement à 2-3 heures du matin jusqu'à 8 heures. Ça va aller potentiellement jusqu'à 10 heures le matin, mais en fait, c'est vraiment tôt le matin. Donc, il ne faut pas se coucher à 3-4 heures si on doit aller aux Halles le lendemain, loin de là. Par contre, les convives peuvent aller jusqu'à 3-4-5 heures du matin. Oui, complètement. Le café anglais, donc c'est une vie en continu en fait, pour certains de ces restaurants. C'est une vie en continu. Encore une fois, je préfère le préciser, pour des personnes qui n'ont probablement pas à se lever à justement 3, 4, 5 ou 6 heures du matin. C'est toujours pareil. Et sur des moments aussi un peu exceptionnels. On n'oublie pas que ce qu'on a aujourd'hui, tant dans les chroniques, dans les conversations, etc., dans les menus qui nous restent, ça reste des choses exceptionnelles. Ce n'est pas le quotidien, même pour ces personnes-là. Aller au restaurant, ce n'est pas tous les jours pour personne. Merci de préciser qu'il y a quand même des chemins sociaux qui conduisent au restaurant ou pas. Dans cette histoire-là, David Michon, 24 heures de la vie d'un restaurant, 1867, quand vous comparez avec ce qui se passe aujourd'hui dans les restaurants, on trouve les origines de beaucoup de choses. Qu'est-ce qui a radicalement changé avec aujourd'hui ? Peut-être une complète démocratisation, probablement. Aujourd'hui, on peut assez facilement manger pour une dizaine, une quinzaine d'euros, on va dire. Est-ce que tout le monde peut se le permettre ? Non. Mais les bouchons lyonnais ont cette formule d'un entrée plat dessert à 15 euros, encore une fois. Les brasseries aussi. Les brasseries issues quand même aussi très largement des bouillons. Et les bouillons existent encore. Il n'y a pas deux semaines, le bouillon Pharamond à Paris, quelque chose que je crois qui est récent. Mais j'ai dû manger pour une vingtaine d'euros. Est-ce que pour autant, tout le monde peut le faire tous les jours ? Non, peut-être pas. Mais la grande différence quand même avec le Second Empire, c'est que là, tout le monde en a déjà profité, tandis que sous le Second Empire, c'est encore nouveau. Pour parler de démocratisation, il faudra attendre la fin du 19e, le début du 20e. Et puis il y a l'espoir de, peut-être sous le Second Empire, dire « moi aussi j'en profiterai un jour ». Et l'espoir, c'est pas mal aussi dans une société. Merci beaucoup à tous les deux pour nous avoir conduits au restaurant 19e siècle. David Michon, je rappelle, 24 heures de la vie d'un restaurant. Paris 1867, c'est aux Presses universitaires de France. Et Claire Delfosse, toute votre bibliographie fromagère est sur le site franceculture.fr, le cours de l'histoire. Et maintenant, au menu, bien sûr, tout le monde le sait, c'est comme le dessert. C'est Gérard Noiriel, le pourquoi du comment. Comment les artisans ruraux arrivaient à joindre les deux bouts ? Dans le cadre corporatif qui dominait sous l'Ancien Régime, les artisans ruraux, qu'ils soient maîtres ou compagnons, devaient le plus souvent se déplacer pour trouver leur clientèle. À l'instar des colporteurs, les tailleurs, les cordonniers ou les charpentiers organisaient parfois de véritables petites tournées allant de maison en maison à travers leur canton. Néanmoins, leurs déplacements ne dépassaient pas un rayon de quelques kilomètres car ils étaient le plus souvent propriétaires d'un champ qu'ils devaient cultiver, ce qui les empêchait de s'absenter trop longtemps de leur village. Ces déplacements locaux eurent pourtant des conséquences importantes pour le développement de la mobilité dans les campagnes, car ils furent souvent le prélude à des migrations sur une plus large échelle. Ces artisans itinérants, en général des jeunes hommes de 25-35 ans, pouvaient accomplir des périples de plusieurs dizaines, voire même de plusieurs centaines de kilomètres, ce qui les amenait fréquemment à franchir les limites de leur province d'origine ou même du royaume de France. Les raisons qui les poussaient à s'engager dans ce qu'on appelait alors des migrations aventureuses étaient diverses. Souvent, ces jeunes hommes occupaient des positions de cadets au sein des familles, ce qui les contraignait à quitter l'atelier familial transmis aux aînés pour trouver d'autres débouchés. Un autre facteur social pouvait s'ajouter au précédent. En vertu d'une règle non écrite, un apprenti ne pouvait pas faire concurrence à son maître en s'installant dans le même village. Comme ce type de migration obéissait aussi au rythme imposé par le calendrier agricole, ces artisans se déplaçaient surtout pendant les mois d'automne et d'hiver pour être présents au village lorsque commençait la période des semailles et des récoltes. Il arrivait pourtant que ces migrations aventureuses se produisent sans respecter ce calendrier rural. Lors des guerres ou des crises de subsistance, les artisans ruraux venaient parfois grossir le flot des miséreux fuyant le danger. La plupart d'entre eux revenaient dans leur village d'origine lorsque la crise ou les hostilités étaient terminées. Le troisième type d'itinérance artisanale concerne les migrations collectives qui se déroulaient sur une échelle radicalement différente des précédentes. Bien que les chiffres soient difficiles à établir, les historiens estiment qu'au début du XVIIIe siècle, toutes provinces confondues, le nombre de ces migrants pouvait atteindre les 100 000 individus chaque année, peut-être même 200 000 sous Napoléon Ier. Ces déplacements de masse ne concernaient qu'une dizaine de professions. L'exemple le plus connu est celui des artisans du bâtiment, comme les maçons de la Creuse, qui quittaient leur domicile au début du printemps jusqu'au début novembre, car c'étaient les mois les plus propices aux travaux de construction dans les grandes villes. En l'absence des hommes, les femmes assuraient l'essentiel de la vie au village. 6 ou 9 mois sur 12, c'est sur elles que reposait l'entretien du domaine, l'éducation des enfants et la gestion du budget. Merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture avec, dans la brigade, Jeanne Delecroix, Antocienne Judès, Jeanne Copet, Violette Ruiz et Mayouen Guizhou. Le cours de l'histoire à retrouver à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Retrouvez l'incroyable expédition de Corentin Tréguier au Congo dans une bande dessinée d'Emmanuel Suarez, illustrée par Amo. Une plongée au cœur de la forêt tropicale qui révèle la face cachée des expéditions coloniales. Une BD France Culture.